Clément à Sentier Secret, mardi 4 février à 10h. Bonsoir et bienvenue à une autre édition de Web Musique. Vous êtes en compagnie de Simon Roy. Nous allons passer la prochaine heure ensemble. On va écouter plein de bonne musique en téléchargement gratuit. Cette semaine, un peu de musique à tendance, donc joke, footwork, avec un petit peu de trap au travers de ça. Donc, une sélection tout de même assez homogène, vous allez voir, style de musique complètement capoté. J'en écoute beaucoup de ce temps-ci, ça me fait toujours vraiment rire, style musical complètement déjanté. Donc, cette semaine, on va débuter avec une pièce parue sur l'étiquette Maltin Records. C'est un artiste de Tokyo, c'est Ursulot. Je vous fais entendre sa pièce What's Entertainment. Tout de suite après, je vous fais entendre une pièce de Swizzy Mac avec la pièce intitulée Big Bot. Donc, on débute ces deux pièces-là à Web Music. Thank you. C'était donc une pièce de Sweezy Mac, la pièce Big Butt. C'est un artiste qui nous vient de Philadelphie. Avant ça, de la ville de Tokyo, c'était Ursulot avec sa pièce What's Entertainment, publiée sur l'étiquette Maltin Records. Si la playlist vous intéresse, vous pouvez vous rendre sur le site de Web Music. C'est au www.webmusic.ca. Vous allez donc pouvoir télécharger absolument toutes les pièces entendues à l'émission. Également, la plupart du temps, donc, vous pouvez télécharger même les albums au complet. Donc, plein de bonnes musiques gratuites sur le site de Web Music. Je vous invite à venir faire un tour. On poursuit avec un artiste de la ville de Perth en Australie. C'est Donald Crunk. Je vous fais entendre sa pièce Sushi Rolls. Ça va être suivi de Malibu avec la pièce Marlboro. Vous allez voir deux pièces qui fessent pas mal. Yeah. What you call for the channel white? The channel white. Donc, c'était Malibu avec sa pièce Marlboro. C'était précédé par un artiste de la ville de Perth en Australie. C'était donc Donald Crunk avec sa pièce Sushi Rolls. Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On poursuit notre spécial de musique joke Footwork. Donc, ça va être poursuivi par Emily Coy avec la pièce Slip. C'est remixé par Cashin. Ensuite de ça, c'est DJ Slink et DJ Fresh Direct avec leur pièce Murder. Deux artistes, donc DJ Slink du New Jersey et DJ Fresh Direct de l'État de New York. Ensuite de ça, ça va être une pièce de Louis Futon. C'est un duo de Philadelphie. Je vous fais entendre leur pièce Shoulda Know. Thank you. Nous sommes le lendemain du 11 septembre 2001. La veille, Ben n'est pas entré dans l'une des tours du World Trade Center où il se rendait. Il est plutôt allé chez Abby, sa maîtresse, et puis l'hécatombe s'est produite. Disappeared. Ici Hugues Frenette, le metteur en scène de la pièce Tombée du ciel avec Sophie Dion et Christian Michaud, de l'auteur américain Neil Labute. Je vous donne rendez-vous au théâtre Périscope pour 10 soirs seulement, du 5 au 15 février. Une production du théâtre Niveau Parking. Réservé au 418-529-2183 ou sur le réseau Billettech. Quiet. Nous avons tous été bouleversés par l'incendie de la 3e avenue à Limoilou. Comme un sinistre ne vient jamais sans conséquence, une vague d'entraide et de solidarité se mobilise dans le quartier. Le Bal du Lézard et CKRL vous invitent le jeudi 6 février prochain à assister au spectacle des Charmants Salauds, une soirée rock'n'roll et festive dont les bénéfices seront versés entièrement aux sinistrés. En plus d'assister au concert, courez la chance de gagner des œuvres d'illustrateurs de la Ville de Québec. Coût d'admission 5 $, début du spectacle 21 h. La solidarité, ça commence par ma vie de quartier. Du 5 février au 2 mars, c'est la 15e édition du Mois Multi. Un électrisant programme vous transportera durant ces 27 journées de festivités. Spectacles multidisciplinaires, performances sonores et lumineuses, danse, art électronique, installations robotiques, sonores et interactives, cabaret multi et bien plus. Plus d'une centaine d'artistes d'ici et de l'étranger vous invitent à cette rencontre multidisciplinaire unique. Le Mois Multi, du 5 février au 2 mars, à la coopérative Méduse et chez plusieurs partenaires. moimulti.org. De retour à Web Musique, on aborde la deuxième demi-heure de l'émission. Vous êtes toujours en compagnie de Simon Roy et je vous rappelle que vous pouvez télécharger les pièces de façon gratuite et légale. Vous avez juste à vous rendre au www.webmusique.ca. Vous allez avoir la playlist et vous allez pouvoir aussi, si vous manquez des bouts d'émission, vous avez accès à la balado-diffusion. Vous pouvez télécharger absolument toutes les émissions antérieures. Donc, beaucoup de matériel de disponible sur la page de Web Musique. Nous, on va poursuivre avec un artiste de la Suisse, c'est Shake It Machine. C'est sa pièce A Thousand Stars. C'est publié sur l'étiquette montréalaise Raw Records. Ensuite de ça, on va entendre de la ville de Memphis, c'est Jay Cosmic. Je vous fais entendre sa pièce Cult Rehash. From the clip, Vous êtes toujours à l'émission Web Musique à l'antenne de CKRL. On entendait une pièce de Jay Cosmic. C'est un artiste de la ville de Memphis au Tennessee. C'était sa pièce Cult Rehash. On avait débuté cette section-là avec un artiste de la Suisse du nom de Shake It Machine. C'était sa pièce A Thousand Stars. C'était publié sur l'étiquette montréalaise Raw Records. On poursuit avec un artiste parisien du nom de Tommy Jacob. Je vous fais grâce du titre, la pièce est un titre en hébreu, donc je suis pas vraiment versé dans l'hébreu. Vous irez visiter la page de l'émission pour voir le titre. C'est publié sur l'étiquette Cosmonostro. Donc, après Tommy Jacob, on va entendre James Dean, un artiste de la ville de Kelowna en Colombie-Britannique. Je vais vous faire entendre sa pièce « Don't Care ». C'était une pièce de James Dean qui s'appelle D-E-E-N. C'est un artiste de la ville de Kelowna en Colombie-Britannique. C'était sa pièce Don't Care. Avant ça, de Paris, c'était Tommy Jacob avec une pièce au titre en hébreu. C'était publié ça sur l'étiquette Cosmo Nostro. On poursuit avec un artiste du Japon du nom de Service Area. Je vous fais entendre sa pièce Samurai Power. Ensuite de ça, de la ville de Calgary, c'est Witch Doctor avec la pièce Night Love. Bye. de la ville de Calgary en Alberta, c'était Witch Doctor avec leur pièce Night Love. Avant ça, du Japon, c'était Service Area avec la pièce Samurai Power. L'émission Web Music tire déjà sa fin. Il va nous rester une petite pièce avant de conclure. Restez à l'antenne tout de suite après Web Music. Ça va être la croche-oreille avec Jean-Pierre Gay et Gaétan Gosselin. Ce soir, ils reçoivent un invité de marque. C'est Éric Dorion, donc, qui va faire une performance live. Je vous invite à rester à l'antenne de CKRL pour entendre tout ça. Nous, on se quitte sur une dernière pièce de Snake Hips, c'est la pièce On and On, c'est un remix par Alba. Donc, si vous avez apprécié les pièces, rendez-vous au www.webmusic.ca. Vous allez pouvoir télécharger absolument toutes les pièces de façon gratuite et légale. Donc, c'est ça, on se quitte sur Snake Hips, puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de Web Music. Eyes me on.